Abby, you's a gangster. Vas-y, check, my nigga. Ah, on crache notre haine. On crache ta haine. Vas-y. Ah. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine sur ce monde merdeux. Rien à foutre des racistes, car moi je les emmerde. Je suis unique dans mon genre, tu n'en trouveras pas deux. Vu que j'ai la haine, va falloir calmer mon système nerveux. Hey, je ne veux pas la différence entre les gens et les encore moins avec une et celle qui monte le tri. Il est clair que là je ne fais pas le rappeur lover. Mais moi ma vie n'est pas basée sur un film d'horreur. Ah, toujours gagnant tant que je ne serai pas game over. Me clash pour toi serait franchement une grave erreur. Si coupable, innocent, moi. Sans quoi, je ne suis rien sans toi. J'suis le gorille qui tue de sang froid. Tellement ému que devant toi je reste sans voix. Abby, you, ça c'est que du bon ça. Tu ne verras jamais un sourire au milieu de mon faciès. Nous on fait la tire pendant que les autres font la sieste. Hey, j'ai hérité d'une vie de chien, c'est pour ça que j'ai la haine. Je parle sans gêne, tellement de choses à raconter que les mots s'enchaînent. Ah, je représente Nancy, et oui, MC, sans oublier le 9-7 City. C'est chaud d'être noir quand j'y a pas tolérance. Moi je prends Malcolm X comme seule référence. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Juliette sur scène. Je crache ma haine. On est des suprêmes. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. T'es maman des gaines de liens sur scène ou maintenant même, man. Je crache ma haine, envisage une lourde peine. J'ai la haine face à la politique. J'ai la haine face à la vie dramatique. J'ai la haine face au Hitler, mais face à Hitler. J'ai la haine face au jugement. J'ai la haine face à la discrimination. Toute nation ensemble, c'est la solution pour l'abolition. Soyons forts et combattons la répression. Notre mission est d'aider les démunis, ceux qui parfois nous unissent. La guerre nous détruit au premier égard, je suis fiché à vue d'œil. Pour la terre entière, je suis en deuil. Mais qu'est-ce qui veut que je me mette à piller? Mais donnez-moi du char, putain, arrêtez vos lois, quelqu'un. Je suis la diplômée, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis en mode vénère, en mode gélénaire, en mode trop souffert sur cette terre, en mode combat pour me faire, en mode fuck la galère. Ah, j'ai parfois fait le contraire que de me battre pour l'atmosphère. La cause Lucifer m'amène à ces guerres, mais le Très-Haut m'aide à rester sur terre. La haine m'a engendré, j'ai parfois dérapé, mais la foi en Dieu m'a raisonné. Ce qui parfois m'a attristé, fait regretter des actes inespérés. Tu veux me tester, viens te taper. À chaque ombre, je me dérouille un peu plus. S'attaquer à moi, ça pique, c'est comme s'attaquer à un cactus. Yeah. Yeah. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Juliette sur scène. Je crache ma haine. On est des suprêmes. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine. Je crache ma haine.